Bonjour Manu. Ouais, je refais pour que les guitaristes, les deux guitares héros vont s'énerver là. Attends, Philippe, je vais te monter sur ma table pour bien écouter ce que tu fais. Voilà, je te mets à zéro. Ici aussi. Zéro. Voilà, bien l'entendre. Allez, moi, je fais tourner la boucle. Pour bercer un enfant.